quand on est une femme. N'avoir toujours que seul amour. Donner sans prendre, sans rien comprendre. Faire son bonheur d'un peu du ciel. Je sais bien qu'il faut qu'on pardonne. Savoir par cœur gagner le sien. Parce qu'en somme, c'est ça un homme. Faut donner sans attendre rien. Joie.